الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن دين الله عز وجل جاء بمكارم الأخلاق ورفيع الآداب وجميل المعاملات مما يدل على كماله وشموله وعنايته بجميع الكمالات والمصالح والحقوق ولله الحمد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. ومن هاهنا نتذكر في هذه الخطبة أهمية الأخلاق وعظم ثواب الله سبحانه وتعالى لمن تأدب بأخلاق النبوة، بآداب الشريعة الإسلامية، بآداب الشريعة الإسلامية السمحة. حسن الخلق عنوان الخيرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حسن الخلق إيمان، وبحسب يكمل إيمان العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وبحسن الخلق يحبك الله الودود الرحيم. سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنكم خلقا، أو أحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. وبحسن الخلق تكون قريبا من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا أو مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وبحسن الخلق يا عباد الله تزاحمون العباد في رفع الدرجات ونيل الثواب والجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار، ويوم القيامة يسعد صاحب الأخلاق الطيبة الجميلة عند وزن الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، من حسن الخلق أو من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. حسن الخلق أيها المؤمنون طريق إلى الجنة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. وضمن النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق أيها المسلمون وصية رسول الله الأمين عليه الصلاة والسلام لحبه معاذ رضي الله عنه، لما أراد السفر طلب منه الوصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استزاد مرتين: وليحسن خلقك، كما هي وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس وخالق الناس بخلق حسن. أيها الناس، لنعظم أمر الخلق، كيف لا وقد مدح الله تبارك وتعالى نبيه بهذه الخصلة الطيبة في أحسن كتبه المنزلة القرآن الكريم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذه من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم إصلاح الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من كمال الخلق وطيب المعاملة يدعو الله ويقول: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، أو فأحسن خلقي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا من منائحه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، certes, la religion d'Allah nous est venue avec les plus nobles caractères, avec les meilleurs des comportements, et ceci nous montre sa perfection et le fait qu'elle englobe toutes les choses desquelles nous avons besoin dans notre bas-monde et dans notre au-delà. C'est une religion qui préserve et garantit les droits de chaque personne et même des animaux. Le grand savant Mohammed ibn Abi Bakr, plus connu sous l'appellation d'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, nous dit: le comportement de la personne, le bon comportement de la personne est le signe de son bonheur et de sa réussite. Quant au mauvais comportement de la personne, c'est le signe de sa perte. C'est le signe de sa perte. Et il n'y a pas une chose qui rapproche du serviteur le bien, que ce soit dans ce bas-monde ou dans l'au-delà, comme le fait les bons comportements. Et il n'y a pas une chose qui prive le serviteur du bien dans ce bas-monde et dans l'au-delà, comme le fait le mauvais comportement. Ainsi, Nous allons nous rappeler ce qui nous est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de s'encourager mutuellement au noble comportement, afin d'être sensibilisés à l'importance des bons caractères et de la moralité, en espérant qu'Allah Azza wa Jal nous couvre de sa grâce et nous accorde les récompenses de ceux qui sont dotés des nobles comportements. Et c'est à lui seul que nous demandons et vers lui seul que nous nous dirigeons afin qu'il nous réforme et nous accorde le bon comportement. Le bon comportement fera de toi le meilleur des serviteurs d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: parmi les meilleurs d'entre vous, il y a ceux qui ont les meilleurs comportements. Si tu cherches à être le meilleur, ou tu veux éduquer tes proches à être les meilleurs, afin qu'ils deviennent les meilleurs, il te faut parfaire ton comportement et les éduquer sur cela. Le bon comportement fait partie de la foi, et plus ton comportement sera complet, plus ta foi sera complète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le croyant ayant la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Cher frère, avec le meilleur comportement, tu seras aimé auprès de la seule divinité digne d'être adorée, Allah Azza wa Jal. Tu seras aimé, aura une place auprès de lui. Et s'il n'y avait parmi les mérites du bon comportement que celui-ci, cela aurait été suffisant pour fournir tous les efforts possibles afin de l'acquérir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par des gens. Ils lui ont dit: qui est le serviteur le plus aimé d'Allah? Quel est le serviteur le plus aimé par Allah le Très-Haut? Il a répondu: celui qui a le meilleur comportement. Celui qui a le meilleur comportement. Avec ce comportement, tu auras une place chez Allah Azza wa Jal. Et est-ce que ce bas monde, la succession des jours et des nuits, est-ce que nous avons été créés pour autre chose si ce n'est nous concurrencer dans les bonnes œuvres et avoir une place chez Allah? Avec le bon comportement, tu seras proche de ton bien-aimé, la mère créature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur et messager d'Allah. Tu seras proche de lui. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: parmi vous, ce que j'aime le plus et ceux qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection, il y a ceux qui ont les meilleurs des comportements. Plus ton comportement est parfait, plus tu devanceras les autres dans la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam également: vous ne pourrez jamais couvrir tout le monde avec votre argent, avec vos biens. Quelle que soit ta richesse, tu ne peux pas englober l'ensemble des gens avec tes richesses et tes dons. Mais englobe-les où il te suffira de les rencontrer avec un visage détendu et d'avoir un bon comportement. Voici ce que tu dois donner aux gens: le bon comportement. Avec le bon comportement, tu rattraperas le niveau des dévots, de ceux qui jeûnent le jour et prient la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, le croyant rattrape de par son bon comportement les degrés de ceux qui prient la nuit et jeûnent le jour. Et le jour de la résurrection, celui qui s'efforçait d'avoir de nobles caractères dans ce bas monde, de s'éduquer afin de copier le prophète alayhi salatu wa salam, de tirer de ses enseignements et de les appliquer, de supporter, et de ne pas sacrifier son bon comportement pour le mauvais des autres, celui-ci se réjouira le jour de la résurrection. le jour où la balance sera posée, le jour où on va peser les actions des serviteurs. Le prophète alayhi salam nous dit, il n'y a rien de plus lourd sur la balance du croyant le jour de la résurrection que son bon comportement. Et certes, Allah déteste celui qui est vulgaire et grossier. Allah déteste celui qui est vulgaire et grossier, celui qui s'exprime mal, qui n'a pas de pudeur dans l'utilisation des mots. Il est détesté chez Allah. Puisse Allah nous en préserver. Le bon comportement est le chemin qui mène au paradis. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous permettre son accès avec nos proches. Le prophète alayhi salatu wassalam a en effet été interrogé au messager d'Allah. Quelle est la chose qui fait le plus entrer les gens au paradis? Il a répondu, la crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah dans ta relation entre toi et Allah. Le bon comportement, ta relation entre toi et les serviteurs d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a garanti une maison au plus haut du paradis pour celui qui aura parfait son comportement, qui se sera efforcé d'avoir un bon comportement. Ton messager sallallahu alayhi wa sallam te garantit une maison au plus haut degré du paradis. Avec le bon comportement, tu rentreras dans la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam faite à son bien-aimé Mu'ad, celui auquel il a dit Wallahi ô Mu'ad, inni la uhibbuk. Wallahi ô Mu'ad, je t'aime. Qu'a-t-il donc recommandé à son bien-aimé? Un jour Mu'ad a voulu voyager, il lui a dit au messager d'Allah aussi, fais-moi des recommandations. Après la première, il lui a dit Aoussini, ajoute-moi. Il lui a fait des recommandations. Et à la troisième, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Wali ahsun khuluquk. Aie un bon comportement. Aie un bon comportement. Ce bon comportement, tu dois l'avoir, que tu sois résident ou étranger, que tu sois en voyage ou non. Allah Azza wa Jal te voit où que tu sois. Tout comme c'est sa recommandation à Abu Dharr lorsqu'il lui a dit crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action de la bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens avec de nobles caractères. Nous devons donc, après avoir connaissance de ces textes, accorder la plus haute importance au bon comportement. Et rappelons-nous qu'Allah Azza wa Jal a fait les éloges de son messager dans le Coran par ces caractéristiques-là, le bon comportement, en disant wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu as certes une moralité imminente, tu as les meilleurs des comportements, la meilleure religion. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous montre l'importance du bon comportement en nous disant je n'étais envoyé que pour parfaire les bons comportements. Le prophète alayhi salatu wassalam était qui il était sur la perfection des comportements et des caractères. Malgré ça, il invoquait Allah Azza wa Jal et nous éduquait à le faire en disant ô Allah, tout comme tu as parfait ma création, parfait mes comportements. Et de cela, il y a une grande leçon. C'est de savoir que le bon comportement, c'est un risque, c'est une subsistance. Abdullah ibn Mas'ud nous dit certes, Allah a partagé entre vous les comportements, tout comme il a partagé entre vous la subsistance. Et Taous ibn Kaysan, rahimahullah ta'ala, un des plus prédécesseurs, nous dit Inna hadhihi al-akhlaq mana'ih. Ces comportements sont des dons d'Allah. Allah les donne à qui il le veut parmi ses serviteurs. Et dès lors qu'il veut le bien pour son serviteur, il le lui accorde. Il les lui accorde. C'est donc à Allah que nous devons demander. Et vers lui que nous devons nous diriger. Pour lui demander d'avoir les nobles comportements et les bons caractères. Et l'un d'entre nous peut se demander que faire pour avoir ces bons comportements. Et cela fera l'objet, incha'Allah ta'ala, de futures prêches du vendredi. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين، اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين، اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين، واقض الديون عن المدينين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا يا حفيظ يا معتي يا كريم. اللهم أعطنا أحسن الأخلاق، اللهم أهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إليها إلا أنت، واكفنا شر الأخلاق، واصرفنا عن سيء الأخلاق لا يصرف عنها إلا أنت. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Il y a le beau-père de notre frère Youssef qui est décédé. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يتوب عليه ويتقبل منه صالح الأعمال ويدخل جنته هو وأمهاتنا ومن توفى من المسلمين. On demande également aux fidèles de dépenser pour la mosquée. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala les récompenser, leur construire une maison au paradis pour cela.